La chatte à Marine Le Pen. La chatte à son père aussi, la chatte à sa nièce aussi. J'baise toute la famille, j'baise toute la famille. J'rêve les voir sous mes cortèges, majeur en l'air contre ces fils de tas. J'sais pas ce que j'ai, wallah, mais ils n'aiment pas mon teint. Et j'crache sur le bleu marine. Ce soir une haine manine, n'en censure pas ma rime. C'est la fouine, j'fous le bordel comme quand l'Algérie a gagné. On sort les grosses meards, difficile à manier. J'sors de Gardave, j'ai le flow à Leonarda. J'baise le FN comme le boule à Kim Kardashian. J'crois que j'vais leur niquer leur mère. Ouais, vous n'y faites le, j'veux la voir en port jar. Telle blague dentelle, tous en mode dalle, compète véle, Manuel Valls dans le coffre du SL. Et on pisse sur le Front National, pisse sur le Front National, pisse sur le Front National, pisse sur le Front National, pisse sur le Front National, pisse sur le Front National, pisse sur le Front National, Front National. FN, FN, FN, que la flamme bleu, blanc, rouge s'éteigne. T'as vu comment je les pêche, je suis français né dans les Hauts-de-Seine. Va dire à Jean-Marie que l'Afrique est mort, le Ken. Attends deux secondes, je me prends. J'fais du gloss pour Marine Le Pen. J'te pisse sur le front, j'te chie sur la nation. Pour les fils d'immigrés, les insulter, c'est une passion. T'es un fils de depuis, les miens sont des fils d'exclus. La France est DVC depuis qu'il y a trop de l'excuse. Yes, dans le boule à Marine, Marine. Mister Canardo, je les pèse en zoom comme la marine. J'ai la bite noire à force d'enculer Jean-Marie. Pour tous les sans-papiers, frérot de Marseille à Paris. J'encule FN sans baisser le falzard. Marine, t'es plus très jeune, pas grave, on aime les cougars. Si Le Pen passe en bas chez moi, petite douche de pisse. Mon sperme en guise de pastis. Nardo. Pisse sur le Front National. Pisse sur le Front National. Pisse sur le Front National. Pisse sur le Front National. Pisse sur le. Sur le Front National, pisse sur le Front National, pisse sur le Front National, pisse sur le Front National. FN, Bulfion, Qatari, vaut des millions. Ici, ça vend du pilon. Ouais, ouais, sinon, Marine, Marine, je vais te zépi sur le front, laissez passer le mauvais garçon, je suis circoncis dans le caleçon. J'ai zélé sur les ondes, ton père a le crevé, va lui dire que c'est mon daron. En France on s'isonne, père, la putain de ta mère. Je vais faire danser du shabby à Marine. Légaliser la drogue, mais t'es que des bonnes profs. Vider les pénitences, c'est nique sa mère le proc. Serre-nous du champagne au poste. C'est la BS Big Boss, on t'a pris en flagrant délit au lit avec un sec. T'as reconnu les routes boy. Ouais, vent plein que des cow-boys. Ouais, dans les beaux quartiers on ira pisser la Poliakov. T'as reconnu Darino, textuellement.